Thank you. We'll be right back. Ah, matter if I'm not so loud. No es un problema porque la vecina se va a dormir y el ruido feliz así no la vas a hacer nada. I just can't fucking recall all to say lullaby. Flash. I just can't recall all to say lullaby. Would you help me? Thank you. naturel, c'était évident, ça s'active, il faut foncer quoi. Un casque et un micro, moi je te propose, je peux bien acheter le casque. Je t'invite à. Parce qu'en fait, c'est un geste. Studio qui va faire ses larges. Quoique peut-être il faudra que j'achète deux micros si vous voulez.